On va parler des grands-mères. Je connais une petite grand-mère qui habite au fin fond de Carcassonne. Fougère ? Non, Carcassonne. Elle va boire un café sur la toile cirée, à peine nettoyée du dernier dîner. Elle ne pense plus à rien, sinon à mâchouiller le restant de ses jours avec son beau dentier que son fils a acheté. Une voiture passe en jouant du klaxon. L'enfant, derrière le mur de pierre, rêve au papillon sur lequel il s'assoit, pense à l'éléphant sur lequel il s'envole. Les kilomètres s'envolent comme les lignes jaunes continuent, absorbées par la voiture. Le bruit d'une portière me rappelle en sursaut que la destination que l'on s'était fixée est identique à l'endroit où l'on s'est arrêté. Et c'est là, devant la porte, devant les dalles, entourées de gazon bien frais, que je vois la mère Édouard. Ready?